Chapitre 26e. L'étrange cavalier. Malgré tout son sang-froid, Paulin Broquet tressaillit. Il redemanda au docteur. « Vous dites la peste ?»« Oui, le typhus, la peste, » déclara Robert. « Docteur, voyons, êtes-vous bien sûr de cela ?»« Absolument. »« Ce que vous me dites est tellement imprévu, tellement grave. »« Je suis certain de ce que j'avance. »« Comme vous, en faisant la découverte du mal, j'étais frappé, étonné. » Pris par une angoisse violente. Je ne pouvais me résoudre à croire moi-même à ce que je diagnostiquais devant les derniers malades. La fillette, d'abord, le capitaine ensuite. Et le capitaine de Casomo aussi ? Demanda Paulin Broquet. Aussi, c'était un pestiféré. Et il nous a fourni, lui, une preuve irrécusable à mes déclarations. Car s'il est vivant, lui, c'est parce que je lui ai fait administrer une forte dose de sérum antipesteux, que j'ai moi-même été chercher chez le docteur Roux, à l'Institut Pasteur. Paulin Broquet garda un moment de silence, puis il demanda « La peste n'est-elle pas essentiellement contagieuse ?»« Pas comme on pourrait le croire. Elle n'est pas contagieuse en ce sens qu'elle ne s'attrape pas, mais elle se propage, elle se transmet. »« L'eau la véhicule, mais les plus redoutables propagateurs du mal terrible sont les perroquets, les rats et les moustiques. » Paulin Broquet demanda encore au docteur « Personne en dehors de la famille de Briaille n'a été frappé. » On n'a pas constaté d'autres cas dans le pays, non. Donc, c'est dans le château de Briaille même que... Pardon, cher ami. Mais quand le capitaine de Casomont s'est alité, il n'était pas venu au château de Briaille depuis plusieurs jours. Ah, c'est à son retour de Paris, où il accompagna le marquis et sa fiancée Alice. Vous savez que nos amis ont fait le voyage d'Orléans pour assister aux obsèques de mon malheureux père. Je sais. Mais vous ignorez peut-être que pendant ces quelques jours, que monsieur de Briaille et sa fille passèrent à Paris... Le capitaine accepta l'hospitalité de son futur cousin et demeura chez le comte de Marnay. À ces mots vivement, Paulin Broquet étendit la main. « Arrêtez ! Inutile d'aller plus loin !» Robert regarda le détective avec étonnement. « L'assassin ? » reprit Paulin Broquet. « Je dis bien l'assassin de Madame de Briaille, de son fils, de la fillette, du capitaine de Casomont. C'est le comte de Marnay !» Le docteur approuva d'un mouvement de tête. « Le comte de Marnay !» appuya Paulin Broquet, l'ami du comte de la Guérinière, le compagnon de Zigomard. Paulin Broquet dit cela d'une voix vibrante, d'un ton énergique, dont Robert s'étonna. Paulin Broquet, en effet, se montrait toujours très calme, très maître de lui, et ne se laissait jamais, même au plus fort d'une vive discussion, emporter par son ardeur. Il n'élevait même pas le ton de sa voix. Il fallait donc, pour qu'il en vînt à cela, que ce qu'il ressentit en entendant le docteur fût très vif, très puissant. Après cet éclat, il garda un moment de silence. Il prit le temps, comme s'il voulait se remettre, se ressaisir, de rouler minutieusement une cigarette, de l'allumer lentement. Puis, entre les premières bouffées de fumée, très posément, il demanda à Robert « Vous connaissez bien la famille de Briaille ? Très bien. Le marquis possède une très grosse fortune, n'est-ce pas ? Oui. De grands revenus qu'il tire de ses propriétés et des capitaux considérables qu'il a engagés très habilement dans diverses affaires industrielles prospères. Bon, quel est le degré de parenté du comte de Marnay ? Le comte est le petit-fils de la sœur aînée du marquis. Le marquis a-t-il encore d'autres parents, en dehors de sa fille, assez rapprochés pour prétendre à sa fortune ? Je ne crois pas. Quelques petits cousins, des alliés éloignés, très âgés pour la plupart, et à peu près tous très riches, devant laisser leur héritage au marquis ou à ses enfants. Donc, le comte de Marnay, à défaut des enfants du marquis, deviendrait le seul héritier de l'immense fortune des Briaille. Tout s'explique, nous y sommes. Et désormais aucun doute n'est possible, il s'agit bien d'assassinat. Je comprends, mais c'est épouvantable. Paulin Broquet demanda encore, est-ce que le comte de Marnay n'a pas essayé par un autre moyen, mariage par exemple, de s'assurer cet héritage ? Si, il a demandé la main de sa cousine Alice, qui a eu le bon esprit de la lui refuser. Il l'a demandé plusieurs fois. Repoussé, il ne se rebuta pas, espérant quand même faire revenir Alice sur son refus, mais il lui est absolument antipathique. C'est donc quand Mademoiselle de Briaille a été fiancée au capitaine de Casomont que le comte de Marnay, voyant qu'il devait renoncer à tout espoir, a décidé. Il a été à ce moment beau joueur. Le premier, il a félicité sa cousine et son futur cousin. Mais aussitôt, il a commencé son épouvantable travail pour s'assurer l'héritage qui lui échappait. Moyen très simple. Restait le seul, lui, de toute la famille. Madame de Briaille, son fils, la fillette, disparurent. Le marquis, pauvre homme qui se meurt de chagrin, n'était pas gênant. Alice, dont le fiancé allait aussi disparaître, devait, dans cet effondrement, se trouvant seule, enfin céder au comte de Marnay. Ou bien, il faudrait à son tour disparaître. Le misérable! Mais heureusement, le capitaine est sauvé. Désormais, vacciné, il est à l'abri d'une nouvelle tentative. « Oui, mais en le sauvant, vous condamniez sa fiancée. » Robert tressaillit. « Allons, il n'osera pas. Au contraire, Alice morte, il ne reste plus que le marquis. Or, le comte de Marnay, désormais seul héritier, n'aura plus qu'à attendre, et pas longtemps, que le marquis le débarrasse tout naturellement de sa présence et lui remette les millions si vaillamment conquis. « Vous avez raison, » dit le docteur. Et le misérable a certainement déjà préparé son nouvel attentat. « Voyons, qui vous fait dire cela ? Sous prétexte que le marquis doit secouer sa torpeur, que sa cousine a besoin de distraction, le comte de Marnay a fini par décider son cousin à laisser chasser sur ses terres, comme autrefois. C'est lui qui s'est offert, comme fils de la maison, avec le capitaine comme futur gendre, pour recevoir et guider les invités. Ah ! C'est pendant ces chasses, pendant que le château sera plein d'invités, que l'attentat aura lieu. Oui, c'est probable. Il faut qu'il y ait du monde, des étrangers, pour qu'on puisse soupçonner le crime, reconnaître l'assassinat. Je le crois aussi. Mais quelle est maintenant la victime désignée ? Dit le détective. Ou quelles sont les nouvelles victimes qui doivent tomber, du marquis, d'Alice ou du capitaine ? Et quel genre de mort les attend ? Empoisonnement mystérieux, peste ou accident de chasse ? Voilà le nouveau problème qui se présente à nous. Et je ne vous cache pas, cher docteur, que ce problème est pour moi des plus angoissants. Moi, je suis terrifié. Comment prévenir le drame que nous pressentons ? Que faire ? Paulin Broquet demanda. « Vous êtes naturellement invité à ces chasses. »« Oui, ainsi que Raoul et ma sœur Raymonde. » Alice de Briailles a également invité son amie Irène de Valtour, qui, venant de Bretagne, doit, en passant par Paris, prendre ma sœur. « Vous irez à Briailles ? Pas moi. Mes malades ne me le permettent pas. » « Et votre frère ? Il n'est pas décidé. D'autres attaches, plus jolies que les miennes, le retiennent. »« Oui, oui, » fit Paulin Broquet en souriant. « Eh bien, Riri la jolie attendra. » Mais il faut que Raoul accepte l'invitation. Il faut qu'il soit à Briailles. Il y sera. Et si besoin est, vous savez qu'on peut aussi compter sur le courage, l'énergie de ma sœur Raymonde. Peut-être aurons-nous besoin de son précieux concours. 3 semaines environ après cet entretien, le château de Briailles recevait ses hôtes. Ils n'étaient pas nombreux comme aux années précédentes. Ce n'étaient que quelques vieux amis du marquis, des châtelains des environs, Raoul Montreuil, le capitaine de Rennebois et son ami de Casaumont, puis 2 ou 3 amis du comte de Marnay, le baron du Jard et le décoratif baron Dupont. Toutefois, cette année, le comte de Marnay, ayant comme hôte Raymonde et Raoul Montreuil, ne commit point l'indélicatesse d'inviter son ami intime le comte de la Guérinière. Le capitaine de Casaumont et le capitaine de Rennebois s'étaient fait accompagner de leur ordonnance pour soigner leur cheval. L'ordonnance de Casaumont, connue des gens du château, était un bon gros garçon qui, depuis son entrée au service, se trouvait chez son capitaine. L'ordonnance de Rennebois venait pour la première fois à Briailles. Elle était avec son capitaine à Fontainebleau. Disons tout de suite que cette ordonnance n'était autre que l'amorce. Parmi les gens engagés en surplus pour le service des invités, le marquis de Briailles avait pris un valet de chambre qui fut attribué à Raoul et au capitaine. Ce valet de chambre était Gabriel. De leur côté, le baron du Jard et le superbe baron Dupont n'avaient amené aucun domestique et se contentèrent de ceux qu'on leur attribua et qui, au grand étonnement de Gabriel et de Lamorce, étaient vraiment des serviteurs de la famille de Briailles, n'ayant pas la moindre attache avec la bande de Zigomar. Paulin Broquet, que Gabriel tenait au courant de tout chaque jour, informé de ce fait, loin de voir en cela une absence de mauvais dessein, répondit simplement « Il faut plus encore ouvrir le bon œil ». D'ailleurs, la leçon était faite avant la venue à Briailles, par Gabriel, à Raoul, au capitaine et à Raymonde. Tous 3, ils devaient, ce faisant, sans rien leur dire toutefois, secondés par Irène et le capitaine de Casaumont, veiller incessamment sur Alice. Ainsi entourée, Alice n'était pas facilement attaquable, et en la surveillant, les conjurés se gardaient eux-mêmes, car le comte de Marnay et ses acolytes n'oseraient jamais s'en prendre à plusieurs personnes à la fois. De plus, à tout hasard, et par bonne précaution, Robert avait remis à son frère Raoul une trousse contenant des ampoules de sérum pour les divers cas d'empoisonnement qui pourraient survenir. Le capitaine de Rennebois, qui avait su appliquer si heureusement et si militairement la bonne piqûre à son camarade Casaumont, se chargerait, si besoin était, de recommencer. Car, avait dit Paulin Broquet au docteur Robert, rien de plus facile que de donner la mauvaise piqûre, même sous les yeux de gens prévenus. Comment cela ? De perroquet, il n'y en a pas au château. Les rats pesteux auraient ailleurs porté leur ravage. Ils n'existent pas. Les moustiques portant la peste ne vivent point dans la Beauce. Mais on peut, à la campagne, offrir une rose, dont la tige a été trempée dans le poison. On l'offre de telle sorte que celui qui la prend se pique les doigts. Les gants protègent. On peut utiliser d'autres épines que celles des roses. Dans la campagne, il est très aisé de faire piquer, même sans qu'on voie l'intention néfaste, avec une épine empoisonnée. Au cours d'une promenade, en dansant, rien de plus simple que d'égratigner avec une épingle cannelée contenant du virus. Dernière ressource, tremper un ongle dans le suc mortel et sous prétexte d'une chenille, d'une petite bête à enlever du bras, du cou, de la main, rayer l'épiderme de la victime et par cette rayure imperceptible glisser la mort horrible. Oui, tout cela est possible, mais Alice, prévenue, porte des gants épais, des tricots à grosses côtes qui la mettent à l'abri des piqûres d'épingles et d'épines, une voilette à mailles serrées. Ce sont vos indications, on les suit à la lettre. Malgré toutes ces précautions, Paulin Broquet ne se sentait pas rassuré sur le sort de ses amis. Comme les hôtes du marquis de Briailles ne devaient rester que quelques jours au château, Paulin Broquet pensa que le coup, et il ne doutait pas de l'intention bien arrêtée du comte de Marnay, devait se faire promptement. Il fallait donc également agir avec la même rapidité pour essayer non seulement de parer le coup, mais même empêcher de le porter. Mais comment ? En premier lieu, il fallait deviner quel était ce coup qu'on préparait et comment l'assassin pouvait donner la mort. Ce n'était pas chose facile. Jamais détective n'entreprit mission aussi délicate. Mais nous savons que la difficulté comme le péril exerçait sur Paulin Broquet un attrait auquel il ne savait pas résister. Depuis 2 jours, on chassait au château de Briailles. Tout se passait le mieux du monde. Après une journée de marche et de chevauchée, les hôtes du marquis avaient gagné leur chambre, se disposant à goûter un repos bien mérité. La journée du lendemain promettait d'être aussi très chargée. Après une dernière causette dans le long corridor sur lequel donnaient les appartements des invités hommes, les 3 amis, Raoul, de Rennebois et de Casaumont, s'étant souhaité une bonne nuit, rentrèrent chacun chez soi. Raoul venait de se mettre au lit. Il allait éteindre sa lumière quand, devant lui, tout à coup, un homme surgit. Cet homme, paraissant sortir du plancher comme un héros de féerie par une trappe apparaît en scène, avant qu'il eût pu pousser un cri, lui posa une main sur la bouche pour étouffer l'appel au secours. « Silence, c'est moi !» L'homme se mit en pleine lumière pour que l'avocat pût le reconnaître. Alors il ôta sa main de la bouche de Raoul. « Comment, vous ?»« Oui. »« Par où diable êtes-vous entré ? Il n'y a que Paulin Broquet qui puisse jouer de ses tours. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Vous le saurez. » Maintenant que vous connaissez l'intrus qui vient vous troubler dans votre sommeil, éteignez votre lumière, pour ne pas donner l'éveil. Nous causons tout aussi bien dans la nuit. Bon, c'est fait. Raoul plongea sa chambre dans l'obscurité. Il savait qu'on devait obéir immédiatement au détective, sans soulever d'objection, sans même chercher tout d'abord à comprendre ses ordres. Est-ce que vous allez passer la nuit ici ? Lui demanda-t-il toutefois. Oui, mais votre valet de chambre a tout préparé pour cela. « Sur ce canapé-là, j'ai oreiller, couverture, tout ce qu'il faut. Ne vous occupez pas de ce détail. Écoutez-moi. » Paulin Broquet tout d'abord alla jusqu'à la porte. Il colla son oreille à la serrure, écouta longuement. Puis, satisfait, sans doute, n'ayant rien perçu de suspect, il revint au lit de Raoul et à voix basse, il dit « Je suis ici depuis tantôt. Personne ne se doute de ma présence. » Les Marnais, Jarre et Dupont, moins que tous autres, me croyant dynamité chez Mme Zulma. En effet. Donc, je vais pouvoir opérer à mon aise. Mais il faut me seconder. Votre futur beau-frère et le capitaine de Casaumont doivent, ainsi que votre sœur et que tout le monde ici, ignorer non seulement ma présence, mais même que j'existe. Entendu, comptez sur moi, que faut-il faire ? Jusqu'à présent, rien de suspect n'a eu lieu. Ou du moins, on ne s'est pas encore aperçu que le comte de Marnay et ses charmants amis ont mis à exécution le fatal dessein que nous redoutons. Non. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont rien tenté, mais prouve qu'ils n'ont pas réussi. il ne faut pas qu'il puisse réussir. C'est pour cela que vous êtes venu. » Paulin Broquet affirma. « Oui, voici ce que vous avez à faire. D'abord, ce soir, dormir. Dormir, tout bonnement, sans vous occuper de moi. Demain, vous sortirez comme de coutume, vous irez à la chasse et veillerez encore sur Alice, selon la consigne. Bien ? Pendant ce temps, moi, ici, je parcourrai la maison, j'étudierai, je verrai. Le soir, nous causerons. Je vous dirai ce qu'il faudra faire le lendemain. Maintenant, bonne nuit. » « Bonne nuit, donc, » dit Raoul, qui, dans l'obscurité, chercha la main du détective et la serra cordialement. Pendant la première partie de la nuit, Paulin Broquet se tint aux aguets, aux écoutes derrière la porte de la chambre. Vers le matin seulement, il se décida à s'allonger sur le canapé, après s'être roulé dans une couverture, et il s'endormit non du sommeil du gendarme un œil ouvert, mais du sommeil du chasseur comme une masse de plomb. Raoul, lui, dormit d'une traite jusqu'au matin, jusqu'au moment où, dans le parc, les trompes des piqueurs sonnèrent la diane. Quand il ouvrit les yeux, la pensée lui revint. Il chercha le détective sur le canapé, mais Paulin Broquet avait disparu. Raoul s'habilla et descendit, en compagnie des capitaines, rejoindre les autres pour le petit déjeuner. Bientôt, tout le monde était en selle, les chiens aboyaient, les chevaux piaffaient, et les cors sonnaient joyeusement le salut au soleil levant. Parmi les piqueurs, les ordonnances des capitaines se tenaient. Leur chef les autorisait à suivre la chasse. Comme l'équipage traversait une clairière et allait rentrer sous bois pour le lancer, sur la route coupant la forêt, on croisa un jeune cavalier de fort bonne tournure qui se promenait paisiblement, fumant une cigarette et laissant son cheval aller comme il lui plaisait, au pas. L'équipage ne connaissait pas ce cavalier, étranger au pays, mais on admira son cheval, un pur sang remarquable, qui semblait doué de merveilleuses qualités. Ce fut toutefois moins le cheval que le cavalier qui frappa l'amorce. D'ailleurs, le jeune cavalier s'était arrêté pour laisser passer la chasse. Il se contenta de regarder d'assez loin les maîtres, les amazones, l'équipage, les veneurs et les piqueurs, et les valets de chiens. L'amorce venait en dernier. Depuis que le jeune cavalier s'était arrêté, il ne le quittait pas des yeux, se demandant où il avait vu ses grands yeux clairs, cette bouche qu'une légère moustache brune ombrait à peine et qui, malgré la cigarette qui la cachait à demi, lui semblait d'un dessin délicieux. Tout à coup, ses yeux se croisèrent avec ceux du jeune cavalier. Un moment, ils se regardèrent, semblant étonnés tous deux, anxieux. Puis, brusquement, le jeune cavalier tourna bride, fit faire une volte sur place à son cheval et partit au galop. Dans ce mouvement, un rayon de soleil filtrant à travers les branches arriva à la nuque du jeune cavalier et y fit miroiter un rayon fauve. L'amorce, alors, au grand étonnement de ses compagnons, piqua son cheval, lui fit faire un bond de côté, se dégagea du groupe, et comme si l'animal soudain était pris de folie, piqué par un temps, il s'élança à fond de train derrière le jeune cavalier. Ce fut une course fantastique. On vit les deux chevaux, comme enragés, bondir, voler sur la route. Le cheval de l'amorce, qui appartenait au capitaine de Rennebois, était bon, mais il ne pouvait prétendre valoir celui du jeune cavalier. Ce dernier poussait le sien avec une aisance admirable, une science de l'équitation parfaite, un sang-froid admirable. Après la course sur route, le jeune cavalier pénétra dans une plaine. Comme en se jouant, il fit sauter à son pur sang des haies, des barrières, gagnant du terrain sur l'amorce. Puis, il s'élança vers un petit bois et bientôt disparut sous la ramée. L'amorce ne pouvait poursuivre. Le jeune cavalier lui échappait. Alors, mécontent, songeur, son cheval couvert d'écume, il revint se disant « J'ai peut-être fait une bêtise. » Il revint à la clairière où il avait abandonné la chasse pour se remettre dans la piste, la rejoindre. Là, il trouva la cigarette que fumait le jeune cavalier et qu'en s'élançant, il avait jetée. L'amorce la ramassa, la mit dans sa poche précieusement, puis, ayant avec de l'herbe bouchonné son cheval, il s'élança sur les traces de ses compagnons. Qu'est-ce qui t'a pris donc ? Lui demanda le brosseur du capitaine de Casaumont. C'est pas à moi que ça a pris, répondit-il haut pour que tout le monde entendît. Pas à moi, mais à mon cheval. Je sais pas ce qu'il a eu. La jalousie, probablement, d'avoir entendu faire l'éloge du cheval de ce jeune homme. Alors, piqué probablement par la mouche, il a voulu montrer qu'il le valait. Mais nous n'avons pu le gratter, tu penses ? J'ai fini par faire entendre raison à mon canard, et je le ramène. Ça lui prend comme ça, des fois, tout à coup, ses envies de matcher les autres. chaque fois je manque de me casser la tête, sacré canasson, va !» Mais au retour, la morse put joindre le valet de chambre Gabriel et rapidement lui conta l'événement. « Et ce jeune homme, acheva-t-il, qui se trouvait comme par hasard sur la route de la chasse, c'est celui qui a arraché le chef à la dynamite chez Ulma. C'est la jeune femme aux cheveux de cuivre. »